Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 boulevard Walberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Tournoi du centre de formation professionnelle, c'était la fin hier. Et pour savoir un peu comment ça s'est passé, ben on parle avec notre ami Éric Delisle, qui est le président du tournoi du CFP. Salut Éric. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Éric, comment ça a été finalement? Dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire, encore une fois, c'est une mission accomplie? Comment ça, du côté de l'organisation? Oui, définitivement, on peut dire mission accomplie. On a vraiment eu un beau tournoi là au niveau des équipes là, c'était vraiment plaisant. Écoute, les bénévoles aussi là, je dois les féliciter. Puis sans eux, le tournoi n'aurait pas lieu. Ouais. Ok. Est-ce que dis-moi, est-ce que la compétition a quand même eu de l'allure? As-tu eu des bons matchs? Oui, il y a eu des excellents matchs. Entre autres, la demi-finale là. Les Orioles contre les Marcos là dans le 2B là ont allé en tir de barrage là après 10 minutes de prolongation. Ça a été vraiment un match intense là, vraiment incroyable. Là. OK. Dis-moi au niveau des assistances, est-ce que ça se compare pas mal à l'an passé? Oui, ben là on n'a pas le bilan total là des entrées, mais je crois même qu'on a dépassé L'an dernier, là. Évidemment, oui, les équipes locaux, quand les équipes locaux performent, c'est bon pour les spectacles là, pour les entrées. Oui, c'est là. Bon. Ouais. Oui. Dis-moi, évidemment, il faut saluer également le travail de Stéphane Fortin à la présidence d'honneur, Stéphane de Dolbo Auto, qui a fait encore un travail colossal. Oui, effectivement. Écoute, moi, je ne le connaissais pas avant le tournoi. Oui, vraiment un chic type, puis il a fait un travail extraordinaire, là. Ça a été vraiment plaisant de travailler avec. OK. Éric, dis-moi en terminant, est-ce que tu reviens l'an prochain au tournoi du CFP, à la présidence? Non, moi cette année, c'était ma dernière année à titre de président. OK. C'est sûr que au niveau de l'an prochain, là, je vais faire la transition. Là, mais ex-officio, qu'on appelle. Oui, ex-officio, parce que mon garçon, là, il termine sa carrière de hockeyeur dans le hockey mineur pour se concentrer plus sur sa carrière de joueur de football. L'an prochain, c'est ça. Là, j'ai moins d'intérêt un peu de ce côté-là, mais c'est sûr que je vais être là pour aider la prochaine équipe. OK. Hey, dis-moi, est-ce que ça, l'an prochain, on revient toujours à l'histoire, on en a parlé la semaine passée lorsqu'on a fait une entrevue, mais est-ce que l'histoire là, va revenir à l'avant-plan, déménagement encore une fois, si ça arrive, il va falloir se pencher assez vite là. Oui, c'est sûr. On va voir là avec les gens qui vont être en place aussi là, fait que, mais je vais dire comme on dit là, cette année on a vu, on réussit quand même à avoir des équipes là intéressantes là. Puis je pense que le fait d'avoir réussi à avoir du 2B cette année, ça va peut-être intéresser d'autres équipes l'an prochain, là, à venir aussi. OK. Fait que c'est à voir. OK. Ben merci beaucoup, Éric. Félicitations encore une fois, puis bravo pour ton travail à titre de président du tournoi de CFP. Ben merci beaucoup, Danny. Éric Delisle, qui est en charge du tournoi du CFP.